بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 23e leçon, deuxième partie. Bismillahirrahmanirrahim, as-salatu was-salam ala nabina Muhammad wa ala ahli wa sahbi wa man ittabahum bi ihsan illa yawm al-din amma ba. Nazalna fi al-dars al-thalith wa 20 wa sanaqulu al-as'ilata. Fa awalan yaqul ma iqtirahu Habil. اقتراحه هو الانتقال من الفصل الذي يدرسون فيه إلى الفصل الذي في الطابق الثاني. نهى الله تعالى في الآية الكريمة الواردة في الدرس عن ثلاث أمور، ما هي؟ نهى الله تعالى عن الظن والغيبة. الغيبة ولا تجسسوا التجسس. تجسس. أيوة. كيف ما تعرف المصدر؟ تعرف المصدر؟ مصدر تفعل. خذ المصدر من الوزن. واستفعل المصدر تفعل. الشدة سوسين جيس. لا ينفي تم محذوفة. أصلا هو لا تتجسس. أيوة. تجسس. تجسس. ثالثا بما شبه الله تعالى الغيبة. شبه الله الغيبة بأكل لحم أخيك ميتا. طبعا ثم استخرج من الدرس الأفعال الواردة في من باب افتعل. ننتقل ننتقل اجتنبوا يكتفي اجتهدوا اجتهدوا اجتهدوا اجتهدوا تنتهي سيشترك التحقت فاشتري. نسيت تجسس. لا ترسو التفاعل. الفعل الذي تاؤه دل أو ذل أو ذي ينقلب بالضاد. ليس بالضاد. بالطاء. ليس بالطاء. دال الذي تاؤه طاء أو ضاء أو صاد. يقلب ماذا؟ التاء. مثل ضرب مثلا. من ضرر كيف شكرا بالتاب بالضاد بالضاد بالطاء بالطاء والذي فاؤه هذا الحرف الأول حرف علة لماذا يقلب؟ فاؤه حرف علة هذا شيء تاء مثل صلاة يكون اتصلا نعم هنا وقفنا وقفنا هنا ودلين. أظن الثاني نعم يقول من معاني باب افتعل المطاوعة كذلك طبعا صوت افتعل المطاوعة ماذا بريده نحو رفعت الصوت جلو العبوة فارتفع جلو مفوة مكسي ألوي تعمل المثال ثم أكمل الناقص رفعت الصوت يصبح ارتفع الصوت جلو العبوة العبوة سلوي ملأت الكوب j'ai rempli le verre كيف يكون امتلأ الكوب نعم جمعت الطلاب j'ai réuni les élèves كيف تقول اجتمع الطلاب نعم يقول تعمل أمثلة الآتية لباب افتعل وعين فيها الماضي والمضارع والأمر والمشتقات المختلفة donc là dans les phrases suivantes trouve ce qui est ifta'ala, ce qui est mardi, ou mudari' ou amr, ou ce mushtaqat. Fit tanzil, yawma naqulu bi jahannama hal imtala'ti wa naqulu hal min mazid. Wa takun. Wa taqulu hal min mazid imtala'at. Naam. Ukhdalaghib. Fi al-mardi. Donc là, de la révélation par la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens relatif à approcher le jour où la Jahannam dit le jour où nous disons la Jahannam est-ce que tout est rempli elle dira est-ce qu'il y en a encore la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit et ordonne à ta famille d'accomplir la salat et patience sur elle. Astami'u il dit j'écoute la récitation du Coran de à la radio tous les matins. L'intervalle fort bina samia ou stamaa. Samia c'est entendre, stamaa c'est écouter. Yaqul al-mudhi' ayyuha al-mustami'un al-kiram, ilaykum nashratan akhbar al-mustami'un نعم donc le présentateur de la radio on va dire dit oh vous les auditeurs les nobles auditeurs vous voici les informations en fait ça dirait comme ça Khamisan da'atou da'atou da'atou Allah في المنتزم في المنتزم المنتزم اسمه مكان نعم جاءوا في على ضرب المنتزم سيكون المنتزم حالاً نعم سادسا ابتسم لا تكون عابسا ابتسم فعل فعل فعل عمر donc souris ne sois pas renfrogné اتصلت بأبي هاتفيا وأخبرته بمواعيد سفري اتصلت في الماضي نعم donc j'ai contacté mon père par téléphone et je l'ai informé du rendez-vous de voyage des heures de voyage quoi قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يتقي في المضارع نعم الله سبحانه وتعالى dit dans sa sourate il va approcher celui qui craint Allah il lui donne une issue et il lui apporte à cette distance d'où il ne s'y attend pas ولا يحتسب في المضارع يتجه المسلمون في صلواتهم إلى الكعبة المشرفة مشرفة يتجه في المضارع نعم donc les musulmans se dirigent dans leurs salawat vers la Kaaba anoblie عاشرا قال صلى الله عليه وسلم ومن ادعى ما ليس له فليس منا رواه مسلم ادعى مضارع لا ما مضارع ومن ادعى ماضي نعم celui qui porte une chose n'est pas à lui ne fait pas partie de nous. Et là, c'est prétendre une chose. قال تعالى في سورة الفرقان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا اتخذت في الماضي ولم اتخذ شبه مضايع الله سبحانه وتعالى دي سورة الفرقان Le jour où la juste se mordra les mains et dira au pauvre de moi que je n'ai suivi avec le prophète, du moins le sentier du prophète, ou le sentier du messager, au pauvre de moi que je n'ai pris Foulen comme ami. En vrai, Khalil et Ani, c'est pas vraiment un ami. Al-Khulla, ya arfah martabatil mahabba. Al-Khulla, c'est le plus haut niveau de l'amour. Et Khalil, c'est un isme qui est pris de Khulla. On fait plus qu'un ami en vrai. Il faut être traduit par ami intime ou quoi, mais Khalil, c'est plus haut que ça. C'est la personne que tu aimes le plus. Tayyib Yahouz, Ittahaza, Ifta'ala, Min Akhaza. Il a dit le fait Ittahaza, on faisait Min Akhaza. ولا وزن افتعل اصله اتخذ على بزيا حمزه اقول حمزه الوصل ان التاء تاء حمزه القدر ساكن ودغمه الحمزه في التاء وكنا في كون اصيغ له حمزه التاء دونك صافي كوا اتخذ اللي هو جنسي اتخذ دونك الحمزه لا راهي تتغير في التاء سي بور سا كي تشد في التاء Donc là, tu entends plus quoi? Que le fait de Mahmouz, dont le fait est à Hamza, son Hamza se transforme en Ta. Je pense au voisin. Avec dans le voisin, Ifta'ala, le Hamza se transforme en Ta. Ils auraient dû mettre dans la première catégorie déjà qu'on a pris dans le dernier ders. Oh non, ils ont pas passé le thème. On a pris le del, le ta, le del, le ta, et celui dont la première lettre, le fa, celui-là devait aller avec le dernier, la dernière catégorie en fait, comme moi, sans là. Dans celui-là qu'ils auraient dû mettre. Celui où la première lettre sur son mental. Comme moi, sala, à la voix de l'Ifta'ala, ça coule, et ta sala. Ou aqa, à la voix de l'Ifta'ala, ça coule, et ta qa. Donc celui-là, akhaza, et ta khaza, c'est là qu'il aurait dû être mis. Donc le mahmouz, dont le fa, c'est un hamza, ou le mithal, leur fa, il se transforme en ta. Mais peut-être qu'ils veulent quoi en fait là que le Hamza c'est pas supplémentaire, celui qui se rend dans le temps. Peut-être c'est la différence là. Une fois qu'ils ont parlé avec les autres, peut-être qu'ils veulent dire par là que le Hamza ici, c'est pas vraiment un iklam, c'est un idram. En fait, il reste Hamza juste pour le rendre dans le temps. C'est peut-être ça qu'ils veulent. Alors que l'autre, la lettre elle se transforme en temps, complètement. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas parlé avec les autres. Allah Alam. Aham Shay, Tafham, Anna al-Hamza. إذا كان هو فعل فعل على وزن افتعل عندك تشديد على التاء يكون عشرا أ زائد افتعل سواء افتعل كما أخذنا مع انفعل كنت حمزة الاستفهام كي عندنا الوزن انفعل ودي انفعل طيب حمزة الوصل تسكت يقول مثلا أصطفى البنات على البنين يعني يقول الله سبحانه وتعالى أتيل إلفي لفي ودوش لغاسون فسو كي بريطان كارلا لفي يكيز يبرسا بوبري لغاسون فور فقال أصطفى ما قال أصطفى قال أصطفى يقول ما فيش حمد الوصل مثل فعلة نفس الحكم طيب إذا جاء حضرت الاستفهام على هذا الوزن سقط حضرت الوصل حادي عشر يقول فإذا هو قريب السوداء اللي قوش يعني الامتحان الامتحان كما جاء في النص هذه هذاء فجائية هذاء لا سي الهذاء بونشو السودان une chose qui arrive soudainement. Tout fait d'où quoi amno ghaïl mtawakka. Et elle profite quoi? Elle a un sens de la tombée d'une chose à laquelle on ne s'attend pas. Une chose soudaine. Tatroul ala jublatil ismiya. Voyajouz ala tideu bil nakirati ba'daha. Donc il rentre sur la jublatil ismiya. Et il est permis d'avoir un mutada nakira après elle. مثلا يقول نعم ويزيد لا تأتي إذا فجائية في أول الكلام إن في بعض جملة من début de phrase يعني شو ليش بس دي بعض شو تكوفا une phrase par فإذا مباشرة obligé un truc devant et une autre phrase de devant qui explique pourquoi elle va arriver يقول ها أمثلة لي إذا فجائية tu vois des exemples de فإذا فجائية مثلا يقول دخلت الفصل فإذا مدير الجامعة جالس donc il dit je suis rentré dans la classe et soudain يعني on va dire je trouve hein, il y a تقدير sauf que là en arabe là on a directement un tabal al-khabar mais nous en français on ne peut pas dire et soudain le directeur assis dans le directeur de l'université assis tu dis et soudain je vois où je trouve le directeur de l'université assis enfin regarde comme Kamakol ونفى إذا الشهيد وإذا فقط فهذا حرف زائد الشهيد وإذا فقط هنا إذا جاء قبلها جملة دخلت الفصل فهمت ما فيها ولا كلام يا في وسط الكلام ودخلت أنا ماذا جملة اسمية مدير جامعة جالس مدير منتدى ومضاف وجامعة مضاف إليه وجالس خبر ثانيا دخلت الغرفة فإذا حية على السرير donc je suis rentré dans la chambre et soudainement il y avait un serpent sur le lit. طيب وانت الآن إذا كنت في بيتك تدخل وترى ثعبانا في بيتك quand tu vois un serpent chez toi qu'est-ce que tu fais tu te tues ma chère tu dis pas c'est un chien tu connais pas l'histoire du Sahadi j'ai entendu qui s'était marié avec une femme après il était parti pour le Maraka et après le Nabi Salam il a eu comme c'était un jeune marié il lui a dit de rentrer et en rentrant il a vu sa femme devant la porte donc lui il a dit qu'est-ce qu'il fait devant la porte il était plus de jalousie voilà. Il commence à se mettre en colère et il lui a dit avant de se mettre en colère regarde ce qu'il y a dans la maison donc il est rentré il a trouvé un serpent énorme dans la maison et il a tué le serpent aussi l'a tué et le Nabi Salam il a dit quoi que en fait c'était un djinn. Ce serpent c'était un djinn. Donc, il a dit quand tu rentres dans une maison voyez, tu rentres dans une maison tu dis trois fois au serpent de partir s'il part c'est un djinn un musulman il sort de la maison par la porte ou là alors là, je vais pas regarder sur ce moment c'est pas grave attention c'est pas la porte pas la fenêtre il est sorti chez nous ouais mais c'est un djinn il peut sortir par d'autre alors là, et s'il part pas alors c'est un serpent c'est un shaitan tu le tues. Même si c'est un petit. Il n'a pas dit grand petit. Donc toi, maintenant, dans le toit, tu vois un serpent. Qu'est-ce que tu fais? Il faut lui dire trois fois sortir. Eh ben non. Sahadi, c'est les propos Al-Medina. Pas mes explications. C'est juste les Al-Medina. C'est pas partout. Ah. Ah, c'est un mec, c'est pas Al-Medina. Tu vois un serpent, mon frère. Tu dis pas, crois juste à la fin. Ah. Tu dis, je te conseille de tuer direct. Il y en a dit Salafan. Il y en a, ils avaient dit quoi? Tantazir Salafan. Il y en a, ils ont dit quoi? Tu prends 3 jours. Il dit non, c'est, tu dis 3 fois, c'est pas 3 jours. Tu penses que tu vas rester dans la maison 3 jours avec un serpent, tu sais pas si c'est un djinn ou si c'est un serpent. Tu vas pas tenir dans la maison. T'es là dans ta maison, tu vois un serpent à côté de toi et tout. Tu dis, on est jeudi, bon, j'attends dimanche. C'est pas supportable pour toi. Mais la vérité, c'est que tu le dis 3 fois. Et si au bout de 3 fois, il n'écoute pas, là tu comprends, tu le tues. Gros petit. Falifan, kharajtu min al-bayti fa iza sadiqun bil-bab. Je suis sorti de la maison et soudainement j'ai trouvé un ami à la porte. Comme je dis, moi dans les traductions, je dis j'ai trouvé, j'ai vu, mais en arabe, il n'y a pas. Un mec, je me l'ai fait, il se dit, ma mutada, wa khabar. Mais nous, c'est pour la traduction qu'on les met. Rabiran, zanantuka, mudarrisan, faïze et tatarim. Je t'ai pensé enseignant, et soudainement, je me rends compte en fait que tu es un étudiant. Un cadavre de tajim. Khamisan, wa fitanzil, fi qisat Moussa alayhi salam. Fa'alqa asahu, faïze yas mubin mubin, wa naza'idahu, faïze yas maïdahu, l'innazirin. Donc dans la révélation, dans l'histoire de Moussa, alayhi salam, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et il jeta son bâton, et soudainement, elle devient un serpent incroyable. Et il sortit sa main, c'est-à-dire de sa poitrine, je crois, JB, en vrai, JB, c'est pas vraiment une poche. C'est une partie, c'est une poche, c'est ça là seulement. Tu vois, sinon, il va avoir une ouverture ici à l'intérieur. Le prof, il disait, c'était là. Hein? Je pense que l'arabe Jeb à la base, c'est juste là la poche qui sort de la poitrine. En fait, ça c'est pas un Jeb en vrai. C'est l'arabe. Mourbi'a, je crois que ça s'appelle. Mourbi'a. Les poches de poche, mais c'est celle d'un Jeb. Donc il se peut que ce qu'il veut dire, c'est là, sur la poitrine. Quand tu l'as jusqu'à l'intérieur, peut-être sous le flanc, comme tu as dit. Donc il sortit sa main, et soudainement, elle devient blanche, Pour ceux qui contemplaient, c'est-à-dire blanche éclatante, elle brillait. Comme si elle était lumineuse. Pourquoi? Pour faire taire les sorciers de Filara, qui eux sont venus d'une sorcellerie de triche. Alors, pour ça, elle est venue quoi? Avec un miracle. Quand ils ont vu ça, ils ont vu que c'était la vérité. Et ils sont prosternés. Et Filara lui m'adressa, non? Kib, il va accepter jusqu'au bout de ne pas accepter. Donc tu vois là, quand il fait, ça se traduit par soudain. Et le fait, c'est obligé de le mettre. Des fois tu peux le mettre, des fois tu peux pas le mettre. Et il fait aussi, c'est l'une des raisons qui vont t'amener à mettre le fait dans Jérôme Chartre avec il fait. Non. Jumel, c'est lui. Par exemple, tu dis. J'ai pas d'exemple en tête. Mais c'est la même chose que vous t'emmenez à mettre, hein, à faire. J'ai pas d'exemple en tête. Avec le Zof, Isa. Jawab. C'est un Jawab, puis Jawab. J'ai pas d'exemple en tête. C'est une Jumel et Smiya, donc à la base, t'as besoin d'avoir un fait. Si elle met t'as un Jawab et Chartres. Là, j'ai pas exemple en tête. Pardon. Pas de harf, il est, et ça m'a dit, il est Fujaïya. Il est Fujaïya. C'est-à-dire du mot Fajaatan. Fajaatan, c'est-à-dire soudainement. Donc, le Seigneur Achar, il dit Azumnuha Tantahi. Je pense que ça a été. يعني دراسة كما جاء في النص تنصب ظن مفعولين أصلهما مبتدا وخبر في الظن في كوفي طاوي ينصب مفعولين أصلا ظن يدخل في نواسيخ المبتدا والخبر il rentre dans le chapitre des choses qui abrogent le mubtada et le khabar. Les nawasir falaha, elles sont trois choses, trois catégories. Les choses qui annulent le mubtada et le khabar. Andana inna wa khawatura. Vous voyez, inna wa khawatura, liannaha tadkhul ala jumal ismiya, wa tughayyi al mubtada ila ism, wa al khabar li khabariha. Ça ? Donc ça, c'est un premier nawasir. Un nawasir thani wa kana wa khawatura. Lila kana wa khawatiha, tadkhul ala jumal ismiya. وتغير المبتدا الى اسم لها والخبر لخبر لها هكذا مثلا مع ان تكون محمد قائم تقول ان محمدا قائم وكان محمد قائما فظن كذلك تدخل الى الجمله الاسميه وتنسخ عمل المبتدا والخبر وتجعل كليهما مفعولين لها. En fait, Vanna, quand elle rentre dans la Jumla Ismiya, elle rend le Mutada et le Khabar, tous les deux mafoulan bihi pour elle. Les deux disent mafoulan bihi. Masalan, la kulta Muhammadun qa'imun, ta kul, avonnu Muhammadan qa'iman. Maintenant, Muhammadan vient mafoulan bihi, le Vanna, awel, et qa'iman, mafoulan bihi, fani. Tamam? Naam. Donc c'est un fi'l. Il y a des khawat aussi. Il y a d'autres verbes. Ouais, il y a d'autres verbes. Mais Vanna, c'est un fi'l narqis, ça veut dire quoi? C'est un fi'l. Non, il rentre dans le narqis. Il a bizarrement. Il a besoin de deux mains pour le billet. Hmm. Si je les apprends en voyeur, ils sont mon code d'art. Il y a Koul Mathalad. Elle est un petit hen, Karim. On a l'imtihan, mubtada, qarib, khabar, kilahuma marfoua. Takul, avonnu l'imtihana qariban. Fal'an avon, à la fir, mudari, marfoua, itajarrudi, à nasib, jazim, wa ramatu rafahi, ad-damma, zayra, akhilihi. Fa'il, damir, muftatir, joujouban, tabdiluhu, ana. Là, il n'y a plus d'isme. Là, c'est un fa'il. Zanan, un fa'il. والامتحان مفعول به الأول منصوب وعلامة نصبه الفتحة وقريبا مفعول به الثاني طيب أيضا المدير يأتي غدا le directeur arrive demain أظن المدير يأتي غدا je pense que le directeur arrive demain donc on a أين المفعول الثاني هي الجملة الفعلية لا يأتي في محل نصب مفعول به يأتي الفعل والفاعل الجملة الفعلية في محل نصب مفعول به comme dans la première المدير يأتي غدا الجملة الفعلية في محل رفع خبر فلا يأتي في محل رفع مفعول به ثاني لا في تنزيل وما ظن الساعة قائمة et je ne pense pas que l'heure arrivera فهنا شاهد الساعة مفهوم به الأول وقائمة مفهوم به الثاني يقول أدخل ظن على الجمل الآتية حامد مريض ظننت حامدا مريضا نعم الآن هي في الماضي je pensais que Hamid était malade. El Irtibar Sahlun. Atadunnu El Irtibar Sahla. Non. Est-ce que tu penses que l'examen est facile? At-Tayratu Mutaakhira. L'avion est en retard. Adunnu At-Tayratu Mutaakhira. Anta Marid. Tu es malade. Adunnu Kamarida. Non. Al-Mudarrisu Yata'akharu Al-Yawm. Le professeur sera en retard aujourd'hui. ظننت المدرس لا المدرسة ظننت المدرسة يتأخر اليوم يتأخر اليوم نعم ومسلم ست مسلم أتظننه هو عفوا c'est pas tu penses moi c'est plus pense lui أتظننه مسلما؟ لا. سابعا هم راسبون. إذن يشوي عبد. نظنهم راسبين. زميلك ناجحان. Les deux camarades ont réussi. أظنّ زميلك ناجح. أيوة. أظنّ زميليك ناجحين. نعم. الطالبات مجتهدات. Les étudiantes sont studieuses. أظنّ طالبتي مجتهدات. نعم مجتهدات. أنا ضعيف. Je suis faible. أظنّ أتظنني ضعيفا؟ نعم. وكما قلت لك ظننا لا أخوات وهذه أخوات فيما بعد إن شاء الله. يقول ثم يجوز أن تدخل ظننا على أن وأن المصدريتين. فتنسب المصدر المؤول المفعولية ويسد مصد المفعولين يعني ظن peut rentrer sur une phrase débutant par أن voyez vous أن et à ce moment là la phrase qui est derrière أن son irlof sera quoi qu'elle a comblé le trou des deux mafoul. Elle va prendre la place de mafoul. La phrase toute seule et toute seule va prendre la place de mafoul. Avec les autres, tu vas comprendre. Yakul, al-imtihanu sahlun. L'examen est facile. Yakul, adhunnu anna al-imtihana sahlun. Fauna, adhunnu fi al-mudari, marfou. Anna, هذا حرف نصب توكيد من أنا وخواتها. الامتحان اسم أن منصوب وسهل خبر أن منصوب. إذا جملة اسمية طيب تقول سد ما سد الخبر المفعولين كلا كومبلي ان فيت لا بلاص دو مفعول هكذا يقال. فهي في محل نصب الجملة في محل نصب سد ما سد مفعولين هكذا تقول سد ما سد مفعولين. يقول وفي التنزيل ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون سبونو بونسي كو الله نو سي با غران شوز دو سكو فوزي دو سكو فات. هنا هذا شاهد ولكن ظننتم ان الله لا يعلم. هنا نفس الشيء. هنا ان حرف نصب وتوكيد لفظ جلاله منصوب طيب الانه اسم ان ولا تعلم الجملة الفعلية في محل رفع خبر أن لا يعلم والكل يعني الجملة الفعلية أن الله لا يعلم في محل نصب سد مصدر مفعولين. وكذلك تقول ما ظننت أن يرصد أحمد. Je ne pensais pas que Ahmed allait jouer. فهمت؟ فهنا أن المعنى ما معنى المعنى؟ ما معنى هذه الجملة؟ معنى ما ظننت أحمد يرسب. ما ظننت أحمد يرسب. Je ne pensais pas qu'Ahmed allait jouer. Tu peux dire les deux garçons. Avec أن ou alors avec Ahmed directement. La deuxième n'est pas de problème. أحمد في المفعول الأول طيب والجملة الفعلية في محل نصب مفعول ثاني مي لا بروميير يعود كوم لوتر مانون الجملة كوا جملة اسمية نعم لكن الجملة الاسمية على با دو مفعولين دونك الجملة أونتيير في محل نصب صد ما صدن مفعولين لا جملة لا فراز أونتيير كومبل طيب لو مانك دي دو مفعول كوم لوتر avec Anna. نفس الشيء. يقول ومنه قوله تعالى تظن أن يفعل بها فاقرة. طيب تظن أن يفعل تظن أن يفعل بها فاقرة. فأنا أنا شاهد أن يفعل بها فاقرة. فهنا الجملة كاملة في محل نصب صد ما صد على فلين. Ça remplace les deux mafoules. يقول أدخل أن ثم ظن على الجمل الواردة في تمرينين في التمارين السابق. Le même celui-là là. Avec. أيوة. أدخل ظن وأن في الجملة في التمارين السابق. Celui-là là. On est déjà rentré dans le monde. Maintenant avec Anna. Ah, Anna. Zanantu Anna Hamida, Anna Hamida Maridu. Non. Zanantu Atazunu Anna Lirtibara Sahlan Sahlud. Non. Hal Azunu Anna Ta'irata Muda Akhira. Azun. أظن أظن أظن أظن أنك مريض. ظننت أن المدرس يتأخر اليوم. أتظنين أنه مسلم؟ أظن أنهم راسبون. أظن أن زميليك ناجحان. أظن أن الطالبات مجتهدات. أتظن أنني ضعيف؟ نعم ما في Le mari reste le mari. Encore, c'est les Arabes qui changent, mais le sens, c'est le même sens. C'est cool. Azunu kamarid ou azunu enna kamarid, t'as. Il n'y a pas aucune, mais en France, c'est pareil. Je pense que tu es malade. تمام ثم يقول رابع عشر والثالث عشر أسجم الأسماء الآتية نحن نريد مصيبة خليل خليل أخلال لا أخيل الله أخيل سبيل أخيل الله كيف تكتب أخيل الله أخيل الله أخيل الله سبيل سبيل نعم ثعبان ثعبان ثعبون لا ثعابين يقول حد مضارع الأفعال الآتية دون le présent du verbe suivant غض غض عض وغض غض يعضه وجاء يعضه يعضه سيري جام مرض نعم غض على في موضوع كيلكو شوز اجتنب اجتنبو معنى ايفيتي في الوانية كيلكو شوز اختاب يختابو نعم في الميديا فلا ميديا فعل دو ريبا وهذا ما يجوز إلا في بعض المواضيع ما الأصل أنه محرم تمام خمس عشر يقول يحق لي أن أدخل في الامتحان يعني est-ce que j'ai le droit de rentrer dans l'examen تقول دخلته الآن الشاهد القصد هو الفعل دخل قد تسكن بمت في قد تسكن بمت بالمت نقول دخلته بغي في إذا كان المدخول مكانا نحو دخلت البيت المسجد السوق الغرفة وفي التنزيل ودخل جنة donc il veut dire quoi tu peux dire دخل avec un bafoul direct sans في quand c'est un lieu réel دخلت البيت دخلت الغرفة تمام ونقول دخلت فيه إذا لم يكن المدخول مكانا نحو دخلت في الإسلام في الامتحان وفي التنزيل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تمام دونك لا tu mets quoi في à quel moment quand la chose dans laquelle tu rentres n'est pas un lieu. Une chose abstraite ou une métaphore ou une allusion. Mathalen, Dakhaltu fil Islam, je suis rentré en Islam. L'Islam, ce n'est pas un lieu. Vous voyez ? À la djinn. Fil Imtihan, je suis rentré dans l'examen, c'est-à-dire en cours d'examen. Participer à l'examen. L'examen, ce n'est pas un lieu. Waraitanna se trouluna fil dinillah yafouaja. Que tu vois les gens rentrer en masse dans la religion d'Allah. Din Allah, vous voyez, ma'a mekan. فهناك تقول فيه وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى هنا جاءت خبير الدو الدو شوز رسول الله ويدي فادخلي في عبادي وندخلي جنتي دونك لو سونس بارتي رابوشي الله يبارك الناس المطمئنة طيب يدي rentre dans mon adoration donc عبادي C'est Adam Eken, les femmes de Eken. Ou parmi les serviteurs, je crois. Voyez La troulie fait Aïban. Aïban. Notre Tarjama. Il me semble que c'était traduit comme ça. Rentre parmi les serviteurs. En fait, Aïbadi, c'est le diable de Aïbad, de Abd. Non, avec une mort plus, c'est le marna. La colline, c'est pas un lieu. وَتْخُلِ الْجَنَّةِ عَدَ مَكَانٍ عَنْدَ مُنْ بَغَدِي تمام. السادس عشر يقول التواب أي الذي يتوب على عباده كثيرا يعني يترجمه بـ le grand accueilleur au confier. ولا وزن فعال وهو من صيغة مبالغة اسم فاعل. الوزن فعال على بس اسم فاعل يسمى به صيغة مبالغة فهذا يعني شوف كيف بوكو بوكو بوكو بوكو فهمت؟ على بس تواب سمعنا دو توبة يتوب اسم فاعل الأصلي سي تائب تمام؟ التواب في المبالغة. يقول وهذا الوزن فعال طيب يأتي من كل فعل الذي له اسم فاعل طيب تدخل في كل فعل له اسم فاعل وفعال اما les autres mesures qui viennent les signes voilà elles sont restreintes à certaines mesures c'est pas partout tu le trouves. Ça marche aussi. À la base, ça veut dire que vous faites le genre. Par exemple, tu dis Kata, tu dis Kredoko. Non. Et à quoi le mot salaire ? Et ouais. Ou même Syria, et il donne. Parmi ses autres formes, il y a une de Mbalara, Fa'il. Vous voyez, la voix Fa'il. Nahu Rahim. Le grand miséricordieux. Mathalan. Waydon, Fa'oul. Nahu, Rafour. Le grand pardonneur. Waydon, Fa'il. Bidoun Med. Nahu, Hazir. Ou Malik. Mathalan. Wa Mifa'al. Mifl Isma Ala. Yassam Isma Ala. Nathwaz. Nahu, Mi'ata. Celui qui donne beaucoup. فهمت؟ من يقلل فيها et celui-là c'est à Ozenna là tu le fais pas partout voyez c'est pas comme l'autre fa'al tu le fais partout celui-là tu le fais partout يقول sur صيغة فاعل من الأفعال أفعل يقول سور صيغة فاعل من الأفعال من هذه الأفعال رزق يرزق الرزاق وهب يهب الوهاب علم يعلم العلام سمع يسمع السماع أكل يأكل الأكل عبس يعبس العباس نعم عبس صفان كيف سورة عبس وتولى ممكن عباس أيوة لغة سور صيغة فعيل من هذه الأفعال maintenant tu dois mettre le verbe suivant à la voix فعيل سمع قدر علم بصر بصير نعم وكلهم من اسم الله tous parmi les noms d'Allah. سور صيغة فعول من الأفعال الآتية غفر بعضني غفور شكر أو مرسي شكور صبر بصوتي صبور عبس عبوس أكل أكل نعم و سي وزن certain des fois peuvent être اسم فاعل et des fois peuvent être pour اسم مفعول aussi pour اسم مفعول. Ça, des fois, tu peux l'utiliser pour l'esprit d'un par exemple, un quatil, ça peut être le tueur, ça peut être le tueur aussi. Ça dépend de la phrase. Et si jamais celui qui a la wazn, le salam, fa'oul, et ça, il se fait au féminin, il ne prend pas tellement de temps. Le salam, adjouz. Adjouz, un vieux. Et tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as homme, il ne peut pas être en même temps. Comme par exemple une shakur, on peut dire un homme shakur, on ne peut pas. Moi, shakur, moi, tu peux dire. Ouais. Shakur, donc une femme, on peut dire shakur, on dit shakur. Ça dépend. Parce que des fois, il peut dire ismu fa'al maf'oul. Celle qui est remerciée. Et donc, si c'est ismu fa'al, on peut, mais c'est. Si c'est ismu fa'al, il faut. Tu le. Toi, un défaut, c'est ismu fa'al. Non. Parfois, le vers. Non. فاكر بيادان وقل سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك